Chapitre 2, sous-chapitre 1 de « Histoire curieuse et pittoresque » par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Martine. De l'astrologie. Les hommes, préoccupés de leur sort, non contents d'évoquer les morts, de consulter les augures, les oracles, élevèrent leurs yeux jusqu'aux astres pour y lire leur destinée parmi les signes qu'ils croyaient y apercevoir. Des hommes se chargèrent de l'interprétation du firmament, de donner diverses significations aux étoiles. Avant de passer à la sorcellerie et à la magie qui tiennent tant de place dans les opinions populaires, il est à propos d'employer un chapitre sur l'astrologie. On verra que les hommes, tout en se trompant, témoignent en s'adressant aux astres le sentiment que nous discutons. Il existe, suivant l'opinion générale des peuples, une puissance supérieure qui veille sur les destinées humaines. On définit l'astrologie l'art de dire la bonne aventure et de prédire les événements par l'aspect, les positions et les influences des corps célestes. Presque partout, on croit que la science mystérieuse de l'astrologie en général et de l'astrologie judiciaire en particulier, a pris naissance dans la Chaldée, d'où elle pénétra en Égypte, en Grèce et en Italie. Des auteurs en attribuent l'invention à Cham, fils de Noé. Diogène Laërce donne à entendre que les Égyptiens connaissaient la rondeur de la Terre et la cause des éclipses. Assurément, le savant d'Égypte était incontestablement très habile en astronomie, mais au lieu de se borner à l'étude du cours des astres et à la contemplation de l'harmonie sublime de ces corps incommensurables, il voulut, sur un rêve de son imagination, tirer de sa science les principes de l'art de deviner et de tirer les horoscopes. Ce sont les Égyptiens, dit Hérodote, qui enseignèrent à quel dieu chaque mois et chaque jour est consacré. Ils observèrent les premiers, suivant le même historien, sous quel descendant un homme est né pour prédire sa fortune, les aventures de sa vie et le genre de sa mort. Les Chaldéens étaient réputés aussi pour être très habiles en astrologie, et par conséquent ils se livraient à l'astronomie. Le beau ciel d'Orient n'a pas peu contribué à l'exercice de cette dernière science et à l'enfantement de l'astrologie. J'ai lu dans les registres du ciel tout ce qui doit vous arriver à vous et à vos fils, disait Bélus, roi de Babylone, à ses crédules enfants. Pompée, Crassus, César, ces Romains si fameux, ajoutaient foi à l'astrologie. Pline, ce savant de Rome, parle de cette science mystérieuse comme d'un art respectable. Le voyageur qui parcourt la Perse et une grande partie de l'Asie voit à chaque pas des astrologues. Ces contrées lointaines sont encore sous l'influence de l'astrologie. Écoutons Tavernier dans sa relation d'Ispahan. Il dit que dans cette cité, rien ne se fait que de l'avis des astrologues. Ils sont plus puissants et plus redoutés que le roi, qui en a toujours quatre attachés à ses pas. Le monarque les consulte sans cesse, et sur leur avis, sur leurs indications, ils se promènent à telle heure. À telle heure, il se renferme dans son palais, il se purge, il se revêt de ses habits royaux, il prend ou quitte son sceptre, il boit, il mange, il se couche, il délibère. Enfin, il ne fait rien sans leur ordre. Les astrologues sont si respectés à la cour de Perse, l'une des plus brillantes de la terre, que le roi Chasséphi, sous le poids d'infirmités invétérées que l'art était impuissant à guérir, fut jugé par les médecins, au bout de leurs ressources, n'avoir tombé dans l'état de dépérissement où il était que par la faute des astrologues qui, par trop de précipitation, avaient mal appris l'heure où il eût dû être élevé sur le trône. Les astrologues revinrent sur leur décision, reconnurent leur erreur. Ils s'assemblèrent avec les médecins. Ils cherchèrent la véritable heure propice, ils la trouvèrent, la cérémonie du couronnement fut renouvelée à la grande satisfaction du monarque. L'empereur de Chine, quoique très despote, n'ose néanmoins rien entreprendre sans avoir consulté l'astrologie. Il est tellement attentif à cet art qu'il envoie toutes les nuits, sur une montagne élevée près des murs de Pékin, 4 astrologues qui lui rapportent leurs consultations astrologiques exactement chaque matin. Les événements doivent être conformes à leurs prédictions. Les Japonais sont fanatiques en astrologie. Ils poussent si loin leur vénération de ce côté que, chez eux, personne n'oserait poser la première pierre d'un édifice sans avoir interrogé quelque habile astrologue sur la durée du bâtiment. Il y en a même qui, sur la réponse des astres, se dévouent et se tuent pour le bonheur de ceux qui doivent habiter la nouvelle maison. Presque tous les anciens donnaient dans l'astrologie. On cite dans le nombre les plus beaux esprits, comme Hippocrate, Virgile, Horace, ce qui fait juger que la croyance populaire devait s'étendre sur tous. Si les époques de civilisation subirent l'influence de l'astrologie, les siècles d'ignorance en furent infectés, comme par exemple le Moyen Âge. On tira l'horoscope de Louis XIII et de Louis XV. Richelieu et Mazarin consultaient les astrologues. Boileau dit qu'un téméraire auteur n'atteint pas le Parnasse si son astre, en naissant, ne l'a formé poète. Napoléon lui-même, le grand Napoléon, se croyait soumis à l'empire d'une étoile. Il la montrait au cardinal Fesch, qui ne la voyait pas. « Je le crois bien, » dit l'empereur. « Eh bien, moi je la vois. » Que quelqu'un parle de son étoile aujourd'hui chez nous, on lui répondra comme Rousseau répondit à un homme qui se plaignait d'être né sous une mauvaise étoile. « Comment, monsieur, est-ce que vous avez une étoile ?» Cependant, l'incrédulité que nous professons contre l'astrologie n'empêche pas le peuple à l'apparition de 3 ou 4 Matthieu Laensberg, publiés chaque année, et qui tous sont également véridiques, quoiqu'ils ne soient jamais d'accord, de chercher d'abord le chapitre des constellations pour savoir le secret de sa destinée, selon que l'un ou l'autre est né sous tel ou tel signe du zodiaque. L'astrologie a eu son héros. C'était l'astrologue Cardan. Comme il avait prédit le jour et l'heure de sa mort, voyant que la mort lui faisait défaut, il se tua pour l'honneur de la science. Ses confrères lui auraient dû l'érection d'un beau mausolée. Si à l'exemple de Cardan, les astrologues s'étaient bornés à instrumenter sur eux-mêmes, on pourrait leur pardonner, comme nous pardonnons aux bons bourgeois, aux monarques, la prétention d'avoir une étoile à leur dévotion particulière. Mais souvent, les astrologues, à l'aide de leurs prédictions, ont répandu la terreur parmi les populations entières. Ainsi, pour citer un exemple frappant d'épouvante, nous mentionnerons l'incroyable audace d'un mathématicien allemand nommé Stoffler et la crédulité non moins incroyable de la majeure partie des habitants de l'Europe. Vers la fin du XVe siècle, Stoffler prédit à coup sûr un déluge universel pour le mois de février de l'an 1524. Pouvait-on échapper au déluge ? Puisque, à l'époque prédite, Saturne, Jupiter, Mars et les poissons devaient être en conjonction. Aux approches du terme fatal, ce fut une terreur générale, et partout, dans les villes et dans les campagnes, on vit ceux qui avaient éprouvé le plus de terreur se moquer de Stoffler et le traiter de charlatan. En astrologie, on compte dans le ciel 7 planètes et 12 constellations dans le zodiaque. Le nombre des constellations n'a pas changé, mais celui des planètes est porté à 12 aujourd'hui. Les noms des 7 illustres planètes sont le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter, Mars, Mercure et Saturne. Le Soleil préside à la tête, la Lune au bras droit, Vénus au bras gauche, Jupiter à l'estomac, Mars aux parties sexuelles, Mercure au pied droit et Saturne au pied gauche. Les noms des constellations sont le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, l'Écrevisse, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Le Bélier gouverne la tête, le Taureau le cou, les Gémeaux les bras et les épaules, l'Écrevisse la poitrine et le cœur, le Lion l'estomac, la Vierge le ventre, la Balance les reins et les fesses, le Scorpion les parties sexuelles, le Sagittaire les cuisses, le Capricorne les genoux, le Verseau les jambes, les Poissons les pieds. Il n'a pas suffi que chaque individu ait sa constellation sous laquelle il est né, on a placé les villes et les royaumes ainsi que les plus petits états sous l'influence des constellations. Ainsi, dans le cours du XVIe siècle, des astrologues d'Allemagne déclarèrent Francfort sous l'influence du Bélier, Wurtzbourg sous celle du Taureau, Nuremberg sous les Gémeaux, Magdebourg sous l'Écrevisse, Ulm sous le Lion, Heidelberg sous la Vierge, Vienne sous la Balance, Munich sous le Scorpion, Stuttgart sous le Sagittaire, Augsbourg sous le Capricorne, Ingolstadt sous le Verseau et Ratisbonne sous les Poissons. Voici encore d'autres influences attribuées aux planètes. Saturne domine sur la vie, les changements, les sciences et les édifices. Jupiter sur l'honneur, les souhaits, les richesses et la propreté des habits. Mars sur la guerre, les prisons, les mariages et les haines. Le Soleil sur l'espérance, le bonheur, le gain et les héritages. Vénus sur les amitiés et les amours. Mercure sur les maladies, les dettes, le commerce et la crainte. La Lune sur les plaies, les songes et les larcins. C'est Albert le Grand qui a assigné ainsi aux planètes les influences diverses que nous venons d'énumérer. Il ne faut pas omettre non plus que chaque planète gouverne un jour de la semaine. Le Soleil le dimanche, la Lune le lundi, Mars le mardi, Mercure le mercredi, Jupiter le jeudi, Vénus le vendredi, Saturne le samedi. Ces planètes figurent également sept couleurs. Le Soleil le jaune, la Lune le blanc, Vénus le vert, Mars le rouge, Jupiter le bleu, Saturne le noir, Mercure les couleurs nuancées. Enfin, le Soleil préside à l'or, la Lune à l'argent, Vénus à l'étain, Mars au fer, Jupiter à l'airain, Saturne au plomb, Mercure au vif argent. Le Soleil, en outre, est bienfaisant et favorable. Saturne, triste, morose et froid. Jupiter, tempéré et bénin. Mars, ardent. Vénus, bienveillante et féconde. Mercure, inconstant. La Lune, mélancolique. Dans les constellations, le Bélier, le Lion et le Sagittaire sont chauds, secs et ardents. Le Taureau, la Vierge et le Capricorne sont lourds, froids et secs. Les Gémeaux, la Balance et le Verseau sont légers, chauds et humides. Les Écrevisses, le Scorpion et les Poissons sont humides, mous et froids. Avec les combinaisons de ces influences, on tire l'horoscope. Il n'est pas dans notre plan d'entrer dans les détails curieux de cette science. Il faudrait des volumes pour reproduire les divers pronostics tirés des différents aspects des signes du zodiaque et de leurs rencontres multipliées. Notons que chaque signe du zodiaque occupe une place qu'on appelle maison céleste, que chacune de ces places est une maison, que chaque maison occupe 30 degrés et que ces degrés placés sur un cercle s'élèvent au nombre de 360. Il faut examiner avec soin les rencontres des planètes avec les constellations au moment où l'on tire l'horoscope. Par exemple, si Mars se rencontre avec le Bélier, au moment de la naissance, on a un pronostic qui annonce du courage, de la fierté et une longue vie. Mars augmente l'influence des constellations avec lesquelles il se trouve et y ajoute la valeur et la force. Saturne, symbole des mauvaises influences, gâte les bonnes. Vénus accroît les bonnes et affaiblit les mauvaises. Elle donne, comme on l'a dit, l'amour et les plaisirs. Mercure augmente ou affaiblit les influences, suivant qu'il se rencontre avec un signe du zodiaque présageant heure ou malheur. Pour que l'horoscope ne trompe point, il est nécessaire d'en commencer les opérations précisément à la minute où l'enfant est né ou au moment précis d'une affaire dont on désire connaître les suites. Telles sont, en peu de mots, les principales notions de l'art astrologique, autrefois si vanté, si universellement répandu et qu'on cherche encore à ressusciter malgré les lumières de notre civilisation. Sans doute parce que les astrologues rencontreront toujours assez de fous pour partisans de leurs chimères. Voici maintenant quelques anecdotes relatives à l'astrologie. On compte que sous le règne d'Agamon, roi des Huns, une Allemande mit au monde trois enfants d'une seule couche et les jeta tous dans un lac pour les faire mourir. Agamonde, qui chassait dans les environs, en trouva un qui respirait encore. Le fit tirer de l'eau et l'éleva avec soin, tellement qu'il fut depuis roi de Lombardie, sous le nom de Lamissius. Il régna sous le pontificat de Benoît Ier. Or, si les astres ont un pouvoir si absolu, il fallait que les trois enfants fussent sauvés ou qu'ils mourussent tous dans le lac, puisqu'ils étaient nés ensemble et qu'ils avaient été jetés à l'eau en même temps. Les astrologues diront sans doute que les conjonctions changeaient, de la naissance de l'un à celle de l'autre. Mais alors, tous les trois ne devaient pas déplaire à la mère, et les deux qui périrent auraient subi un sort différent. Un valet ayant volé son maître s'enfuit avec l'objet dérobé. On mit des gens à la poursuite et, comme on ne le trouvait pas, on consulta un astrologue. Le charlatan, habile à deviner les choses passées, répondit que ce valet avait échappé parce que la lune s'était trouvée à sa naissance en conjonction avec Mercure, qui protège les voleurs, et que de longues recherches seraient inutiles. Comme il disait ces mots, on amena le domestique qu'on venait de prendre enfin, malgré la protection de Mercure. Un homme épris de l'astrologie judiciaire n'entrait jamais dans la chambre de sa femme, dit encore Barclay, sans avoir consulté les astres. S'il apercevait au ciel quelque constellation funeste, il couchait seul. Il eut plusieurs enfants, qui furent tous des insensés ou des idiots. Les astrologues tirent vanité de deux ou trois de leurs prédictions accomplies, quoique souvent de manière indirecte, entre mille qui n'ont point eu de succès. L'horoscope du poète Eschyle portait qu'il serait écrasé par la chute d'une maison. Il s'alla, dit-on, mettre en plein champ pour éviter sa destinée, et le comte ajoute qu'un aigle qui avait enlevé une tortue la lui laissa tomber sur la tête et qu'il en fut tué. Un aveugle, en jetant au hasard une multitude de flèches, peut atteindre le but une fois par hasard. De même, quand il y avait en Europe des milliers d'astrologues qui faisaient tous les jours de nouvelles prédictions, il pouvait s'en trouver quelques-unes que l'événement, par cas fortuit, justifia. Et celles-ci, quoique rares, entretenaient la crédulité que des millions de mensonges auraient dû détruire. L'empereur Frédéric, étant sur le point de quitter Vicence, qu'il venait de prendre d'assaut, défia le fameux astrologue de deviner par quelle porte il sortirait le lendemain. Le charlatan répondit au défi par un tour de son métier. Il remit à Frédéric un billet cacheté, lui recommandant de ne l'ouvrir qu'après sa sortie. L'empereur fit abattre pendant la nuit quelques toises du mur et sortit par la brèche. Il ouvrit ensuite le billet et ne fut pas peu surpris d'y lire ces mots. L'empereur sortira par la porte neuve. C'en fut assez pour que l'astrologue et l'astrologie lui parussent infiniment respectables. Un homme que les astres avaient condamné en naissant à être tué par un cheval avait grand soin de s'éloigner dès qu'il apercevait un de ces animaux. Or, un jour qu'il passait dans une rue, une enseigne lui tomba sur la tête, et il mourut du coup. C'était l'enseigne d'une auberge où était représenté un cheval noir. Mais il y a d'autres anecdotes. Un bourgeois de Lyon, riche et crédule, ayant fait dresser son horoscope, mangea tout son bien pendant le temps qu'il croyait avoir encore à vivre. N'étant pas mort à l'heure que l'astrologue lui avait assignée, il se vit obligé de demander l'aumône, ce qu'il faisait en disant « Ayez pitié d'un homme qui a vécu plus longtemps qu'il ne le croyait ». Une dame pria un astrologue de deviner un chagrin qu'elle avait dans l'esprit. L'astrologue, après lui avoir demandé l'année, le mois, le jour et l'heure de sa naissance, dressa la figure de son horoscope et dit beaucoup de paroles qui signifiaient peu de choses. La dame lui donna une pièce de 15 sous. « Madame, dit alors l'astrologue, je découvre encore dans votre horoscope que vous n'êtes pas riche. »« Cela est vrai, répondit-elle. « Madame, poursuivit-il, en considérant de nouveau les figures des astres, n'avez-vous rien perdu ?»« J'ai perdu, lui dit-elle, l'argent que je viens de vous donner. » Dara, l'un des 4 fils du grand mogol Shah Jahan, ajoutait beaucoup de foi aux prédictions des astrologues. Un de ces charlatans lui avait prédit, au péril de sa tête, qu'il porterait la couronne. Dara comptait là-dessus. Comment s'étonnait que cet astrologue osât garantir sur sa vie un événement aussi incertain ? « Il arrivera de 2 choses l'une, répondit-il, ou Dara parviendra au trône et ma fortune est faite, où il sera vaincu et dès lors sa mort est certaine, et je ne redoute pas sa vengeance. » Hejjaj, général arabe sous le calife de Valid, consulta dans sa dernière maladie un astrologue qui lui prédit une mort prochaine. « Je compte tellement sur votre habileté, lui répondit Hejjaj, que je veux vous avoir avec moi dans l'autre monde, et je vais vous y envoyer le premier afin que je puisse me servir de vous dès mon arrivée. » Et il lui fit couper la tête, quoique le temps fixé par les astres ne fût pas encore arrivé. L'empereur Manuel, qui avait aussi des prétentions à la science de l'astrologie, mit en mer sur la foi des astres une flotte qui devait faire des merveilles et qui fut vaincue, brûlée et coulée bas. Henri VII, roi d'Angleterre, demandait à un astrologue s'il savait où il passerait les fêtes de Noël. L'astrologue répondit qu'il n'en savait rien. « Je suis donc plus habile que toi, répondit le roi, car je sais que tu les passeras dans la tour de Londres. » Il l'y fit conduire en même temps. Boulainvilliers et Colonne, qui jouissaient d'une grande réputation à Paris, en fait d'astrologie, avaient prédit à Voltaire qu'il mourrait à 32 ans. « J'ai eu la malice, écrivait-il en 1757, de les tromper déjà de près de 30 ans. De quoi je leur demande humblement pardon. » Il les trompa encore de plus de 20. Albert le Grand et le cardinal d'Ailly ont fait tous deux l'horoscope de Jésus-Christ. Ils ont lu, évidemment, dans l'aspect de Mars et de Jupiter, combien de diables ils chasseraient du corps des possédés et par quel genre de mort ils devaient finir. À la vérité, ces deux savants astrologues n'ont rien dit qu'après coup, mais ils voulaient prouver, par un si grand exemple, la certitude de la science astrologique. Un astrologue, regardant au visage Jean Galéas, duc de Milan, lui dit « Seigneur, arrangez vos affaires, car vous ne pouvez vivre longtemps. »« Comment le sais-tu ? » lui demanda le duc. « Par la connaissance des astres. » « Et toi, combien dois-tu vivre ?»« Ma planète me promet une longue vie. »« Oh bien, tu vas voir qu'il ne faut pas se fier aux planètes. » Et il le fit pendre sur le champ. Ajoutons encore que Zika, roi des Arabes, à qui les plus célèbres astrologues de son siècle avaient prédit une longue vie, mourut l'année même de cette prédiction. On compte que Guillaume, duc de Mantoue, avait dans ses écuries une cavale pleine qui mit bas un mulet. Il envoya aussitôt aux plus savants astrologues d'Italie l'heure de la naissance de cette bête, les priant de lui dire quelle serait la fortune d'un bâtard né dans son palais. Il prit soin surtout qu'ils ne sussent pas que c'était d'un mulet qu'il voulait parler. Les devins firent de leur mieux pour flatter le prince, ne doutant pas que ce bâtard ne fût de ses œuvres. Les uns dirent qu'il serait général d'armée, d'autres en firent un évêque, quelques-uns l'élevèrent au cardinalat. Il y en eut même un qui le fit pape. Pour compléter le chapitre de l'astrologie, nous dirons que les anciens augures et les astrologues attribuaient une grande influence à l'apparition des comètes. Avec sa haute raison cachée sous les exquises délicatesses de son esprit, Madame de Sévigné a porté sur l'influence prétendue des comètes un jugement aussi sain qu'élégamment exprimé. « Nous avons ici une comète, écrivait-elle à sa fille, qui est bien étendue. C'est la plus belle queue qu'il est possible de voir. Tous les grands personnages sont alarmés et croient que le ciel, bien occupé de leur perte, en donne des avertissements par cette comète. » On dit que le cardinal Mazarin, étant désespéré des médecins, ses courtisans crurent qu'il allait honorer son agonie d'un prodige et lui dire qu'il paraissait une grande comète qui leur faisait peur. Il eut la force de se moquer d'eux et leur dit plaisamment que la comète lui faisait trop d'honneur. En vérité, on devrait en dire autant que lui. Et l'orgueil humain se fait aussi trop d'honneur de croire qu'il y ait de grandes affaires dans les astres quand on doit mourir. Ce jugement n'empêche pas la terreur qu'on éprouve à chaque apparition de comète. Ainsi, nous ne devons pas négliger de dire que la fameuse comète qui parut à Rome peu après la mort de César jeta l'effroi dans la capitale du monde. Il est vrai que les poètes s'en servirent comme d'un moyen pour élever le plus grand des Romains à une glorification céleste. Si la comète de 1811 épouvanta le vulgaire français quand elle se fut dessinée dans l'espace, elle fut l'occasion pour les courtisans de Napoléon de s'efforcer d'en faire hommage à l'empereur comme d'une ressemblance de plus avec César. Ce qu'il y a de certain, c'est que le vin récolté dans l'année de la comète fut d'une qualité si supérieure qu'il a puissamment contribué à son illustration. Les comètes ont du moins cet avantage qu'elles n'inspirent pas de terreur permanente. Dans les intervalles de leurs apparitions, elles laissent des temps de répit. Enfin, comme les astres, comme la comète, l'aurore boréale a été à son tour un objet de consultation sur les destinées humaines, un objet de terreur et d'alarme. L'aurore boréale est une nuée rare, transparente, lumineuse, qui paraît la nuit du côté du nord. On ne saurait croire, dit Saint Foy, sous combien de formes l'ignorance et la superstition des siècles passés nous ont présenté l'aurore boréale. Elle produisait des visions différentes dans l'esprit des peuples, selon que ces apparitions étaient plus ou moins fréquentes, c'est-à-dire selon qu'on habitait des pays plus ou moins éloignés du pôle. Elle fut d'abord un sujet d'alarme pour les peuples du Nord. Ils crurent leur campagne en feu et l'ennemi à leur porte. Mais ce phénomène devenant presque journalier, ils s'y sont accoutumés. Ils disent que ce sont des esprits qui se querellent et qui combattent dans les airs. Cette opinion est très accréditée en Sibérie. Les habitants des pays qui tiennent le milieu entre les terres arctiques et l'extrémité méridionale de l'Europe n'y virent que des sujets tristes ou menaçants, affreux ou terribles. C'étaient des armées en feu qui se livraient de sanglantes batailles, des têtes hideuses séparées de leurs troncs, des chars enflammés, des cavaliers qui se perçaient de leurs lances. On croyait voir des pluies de sang, on entendait le bruit de la mousqueterie, le son des trompettes, présage funeste de guerre et de calamité publique. Voilà ce que nos pères ont presque toujours vu et entendu dans les aurores boréales. Faut-il s'étonner, après cela, des frayeurs affreuses que leur causaient ces sortes de nuées quand elles paraissaient? La chronique de Louis XI rapporte qu'en 1465, on aperçut à Paris une aurore boréale qui fit paraître toute la ville en feu. Les soldats qui faisaient le guet en furent épouvantés. Et un homme en devint fou. On emporta la nouvelle au roi, qui monta à cheval et courut sur les remparts. Le bruit se répandit que les ennemis qui étaient devant Paris se retiraient et mettaient le feu à la ville. Tout le monde se rassembla en désordre et on trouva que ce grand sujet de terreur n'était qu'un phénomène. L'indicateur bordelais a donné cette description d'un phénomène de lumière qui étonna tout Bordeaux le 15 mars 1820. À 7 heures du soir, on remarqua vers l'ouest, hors de l'enceinte de cette ville, une clarté extraordinaire que plusieurs personnes prirent d'abord pour l'effet des rayons du soleil réfléchis sur les nuages qui, dans ce moment, bordaient l'horizon. Cette lumière prenait de l'extension et augmentait l'éclat en raison de l'obscurité toujours croissante des autres parties du ciel. À 7h30, le centre de lumière avait gagné le sud-ouest, et l'étendue embrassait environ 40 degrés en largeur. Les nuages qui dominaient l'horizon cachaient la hauteur des rayons lumineux. À 8h15, la lumière était si vive que les personnes qui survenaient assuraient que c'était un grand incendie. À 8h30, la lumière se porta, en s'affaiblissant, vers le sud-sud-ouest. Et à 9h, elle disparut au sud. Ceux qui ont longtemps voyagé sur mer ont souvent aperçu des météores, des feux Saint-Elme, des aurores boréales, des trombes marines. Mais ces mêmes personnes attestent n'avoir jamais rien vu de semblable au phénomène dont nous venons de parler. Le temps était fort obscur dans la partie de l'est. Les vents du nord presque calmes, le baromètre à 21 pouces, 5 lignes, le thermomètre à 10 degrés au-dessus de zéro. Lorsqu'un phénomène de cette sorte avait lieu il y a 200 ans, c'était un signe miraculeux de la fin toute prochaine du monde, qui ne périt pourtant point, quoique depuis tant de siècles on le condamne tous les jours à être brûlé dans quelques années. Nous voici tout à fait dans le royaume du diable. Il ne s'agira plus de ces grandes apparitions majestueuses où les hommes, inspirés par la lumière céleste, faisaient entendre comme Moïse, comme David, comme Isaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Daniel, une voix sublime que le Christ seul a surpassée dans les hauteurs de sa mission céleste. Nous n'allons plus entendre la révélation des mystères de la société humaine. Quelque chose de vil va paraître à nos yeux. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. À ce nom, on se représente tout ce que l'homme a pu inventer pour tromper son semblable. Dominé par une affreuse spéculation sur la grossière ignorance, voici venir des trompeurs qui se joueront de toutes les destinées en se targuant de posséder les secrets de la vie humaine. Ces sorciers, ces magiciens, changeaient les hommes en bêtes de somme et leur faisaient porter leurs bagages. Le père rapporte qu'un pauvre prêtre nommé Prestantius, ayant eu le malheur de rencontrer une de ses femmes, celle-ci le changea en mulet et lui fit porter sa cassette, après quoi elle lui permit de reprendre sa soutane et son rabat. Le roi Jacques Ier composa de sa main royale un traité pour prouver l'existence des sorciers. Le cardinal de Richelieu admit le pouvoir des sorciers. Il fit condamner comme sorcier le curé Urbain Grandier, atteint et convaincu d'avoir mis les religieuses de Loudun en communication charnelle avec des démons, qui, du reste, leur parurent bons diables. Quoi qu'il en soit du sentiment des auteurs et des nations sur la sorcellerie, l'homme, outre qu'il chercha dans tous les siècles à lire son sort avec toutes ses variations dans les apparitions, les songes, dans les astres, voulut encore le lire dans le vol des oiseaux, dans les entrailles des bêtes, dans le mouvement de l'eau, dans les feuilles agitées du vent, dans le chant du coq, dans la main, dans les miroirs et plus récemment dans les cartes, dans les rides du front, dans les traits du visage, dans les tubérosités du crâne. Il y a des phrénologues célèbres de nos jours qui prétendent deviner toutes les nuances du caractère de l'homme, ses pensées les plus cachées, les plus impénétrables secrets de son cœur à l'inspection de la conformation de sa tête. Nous allons citer certains objets sur lesquels ou avec lesquels s'exerçait et s'exerce encore la magie. Ce que nous en rapporterons suffira pour faire comprendre le reste. Fin du chapitre 2, sous-chapitre 1, lu par Martine.